jamais. Il connaît tous tes besoins et voit chacune de tes larmes. Qui a le choix, mais Abraham Matingu Bogos. Chelsea à Paris, Lisette Bella, poupée fragile. Natacha Fala, Michel Toutou, Ebilin Zemba Mama Muziki, wapi tous pepele ya metolo. Marte Tabou, honorable Massamba. Oh,